Boum Boum Mo. Boum Boum Mo. Musique française. Des années 60 à 80. Boum Boum Mo, musique française curieuse. Faut vraiment qu'on change cet indicatif. Ça fait combien d'années qu'on fait la blague? 3 ans, 4 ans? Ça fait 5 ans, Vincent. Le running gag Boum Boum Mo, c'est plus... Au début, c'était musique française des années 60, 70, 80. Et en fait, plus du tout. On a vraiment élargi. On passe des trucs des années 90, 2000. Bref, ce sera pour la saison prochaine, je crois, désormais. On est hyper content d'être de retour en direct. C'était déjà le cas la semaine dernière. Forza. Et c'est de nouveau le cas ce soir pour ce 206e podcast. Et tu sais quoi, Jonas, il y a encore des DJ qu'on n'a pas invités. Et il y a même encore des copains qu'on n'a pas invités au bout de 7 ans et plus de 200 épisodes. C'est et beau. Ce soir, il y a un copain DJ qu'on n'a jamais invité dans l'émission. Comment ça va, Silvio? Hey, salut tout le monde, ça va super bien. Ça fait super plaisir de t'accueillir. Bah ouais, merci, moi aussi ça fait vraiment plaisir. On se connaît depuis un petit moment maintenant, je te vois passer des disques régulièrement aux soirées abstractes, notamment la moitié, t'es la moitié du duo Juju Lili entre aussi, Nantes, l'Orient, la Bolivie, l'Argentine, l'Angleterre, le Brésil, DJ Worldwide quasiment. Ouais, un petit peu, ouais. Avec des sélections souvent lumineuses, j'imagine que tu vas nous jouer des trucs africain ou antillais ce soir, mais peut-être que je me trompe. Ouais, bah écoute, pas que, c'était aussi l'occasion d'être invité dans cette émission, de pouvoir aller chercher des disques que j'ai pas forcément l'occasion de jouer. Du coup, c'était cool de pouvoir écouter des vinyles dans un bac que j'ouvre pas tout le temps. Et ouais, donc mortel, je sais même pas trop encore exactement dans quoi ça va aller, mais forcément il y aura des musiques françaises aussi, mais avec forcément des influences du monde, toujours quoi. Tu m'as invité dans ton émission sur Radio DY10, enfin l'émission de Safe Place, le bar dans lequel tu bosses, qui a une émission que tu animes. Du coup, tu m'as invité. Moi, j'ai vraiment été, comment dire, attiré par ce côté Afrique, Antilles que tu défends souvent. Donc, on a fait ce mix très ensoleillé il y a un mois. Mais évidemment, tu joues ce que tu veux dans l'émission. Tu commences par quoi? Eh ben, on va commencer par un morceau d'Isabelle Mayoro et il s'appelle Inexorablement. Et Isabelle Mayoro, c'est une artiste que j'apprécie vraiment et parce qu'elle a une voix incroyable. Ce sont des morceaux à texte et souvent avec une superbe partie instrumentale derrière. Donc ça respire que de la belle musique. C'est Silvio cool. Yana est dans Boum Boum Mo ce soir. On est ensemble jusqu'à 23h. Je sens, Jonas, qu'on va passer un bon moment, d'autant que Silvio est venu avec son pins Boum Boum Mo. Bien sûr. Si ça, c'est pas la classe d'avoir le pins Boum Boum Mo avant même d'être invité dans l'émission. Silvio Yana dans Boum Boum Mo, musique française curieuse. On est ensemble jusqu'à 23h. On reprendra la parole juste avant la fin. À tout à l'heure. Bon voyage. Ciao. Le monde peut gueuler d'étranges mélopées ou d'étranges prières, vomir des fleurs séchées aux couleurs passagères, accrocher à ses basques de longs cils d'argent, le temps passe inexorablement, et les radios. Le monde peut mourir sur d'étranges parcours ou s'étouffer de rire sur quelques mots d'amour, accrocher à son corps de lourds filets de sang, le temps passe inexorablement. Et encore les radios. Le monde peut vomir d'une étrange manière, cracher des bouts d'acier ou des morceaux de fer, accrocher à sa voix des microphones géants. Le temps passe inexorablement, et toujours les radios. <t'->

Thank you. Caresser, caresser, caresser, caresser. j'ai un petit goût pour l'exotisme. Je ne sais pas d'où ça me vient. Tout ce que je sais, c'est que j'aime ça. Un peu de soleil et des bongos. J'ai un petit goût pour l'érotisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c'est que j'aime ça. Un peu d'amour, un peu d'eau fraîche. C'est que j'aime ça. Un peu de soleil et des bongos. J'ai un petit goût pour l'érotisme. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c'est que j'aime ça. Un peu d'amour, un peu d'eau fraîche. J'ai un petit goût pour l'exotisme. J'ai un petit goût. Dehors, fait pleurer ou les fait rire. Ils en oublient même qui ils sont. Les inévitables questions et le feeling prime la raison. Ils s'abandonnent. Comme les amoureux transis, ils vivent en oubliant leur vie, et leurs yeux renvoient la lumière, comme les étoiles dans on y vive comme nous, c'est ça nous les jours. manger puis jouer. Vol esprit, matière, respect, fraternité. Apprendissé, intime au sol à terre. Tout part, tout n'est là. m'en rappelle pas. Ce disque rayé que j'écoutais chez toi. Oh, et puis j'ai dû oublier. Ta vie ressemble à la mienne, faite d'incertitude et de haine, faite surtout de solitude et d'aventure. C'était si mal dans ta peau, bien dans la mienne. Toi que je trouve si beau, je crois que je t'aime. C'était si mal dans ta peau, bien dans la mienne. Toi que je trouve si beau, je crois que je t'aime. Oh, I need someone to save me. Ooh, I feel you can feel it. Une autre longue nuit qui descend, et pas la moindre chanson. Ma douleur, est-ce que tu la comprends? Je t'attends. Si t'es si mal dans ta peau, viens dans la mienne. Toi que je trouve si beau, je crois que je t'aime. Si t'es si mal dans ta peau, viens dans la mienne. Toi que je trouve si beau, je crois que je t'aime. Silvio Yana dans Bumbomo sur Prune. J'adore te regarder mixer. J'en parlais avec Sophia ici présente. Il y a vraiment, quand tu mixes, je sais pas, une délicatesse, hein, une poésie dans la... Il faut te voir mixer. Les gens qui t'ont jamais vu mixer se disent « Non, mais il dit n'importe quoi ». Et à chaque fois que je te vois mixer, je t'écoute autant que je te regarde. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en plus d'être délicat dans tes gestes et dans tes mouvements, dans ton attitude, je sais pas, tu dégages un truc, on le retrouve dans ta musique, cette délicatesse. Je suis très fan de tes DJ sets, Silvio. Oh là là, mais c'est trop, ouais, c'est trop gentil. Non, mais voilà, je te l'avais déjà dit, mais je te le dis à 3h du matin, un peu bourré à chaque fois. Donc là, je te le dis à 22h52 sur Prune et je suis quasiment sobre. Non, mais quasiment. Alors là, tu m'as... Non, je suis tout rouge. C'était trop cool. Mes jockeys, ça fait vraiment plaisir. Bon, c'était trop cool, cette sélection, tout en délicatesse, avec Isabelle Maïro, que je vois tout le temps en vide-grenier, que je prends jamais. Et ouais, ouais. La prochaine fois, je le prendrai. Pas, tu vois, ce morceau, ouais. il est, je trouve, super fin, très délicat, comme beaucoup de productions qu'elle fait. Bon, il y a des fois, c'est vraiment autour du texte, mais là, je trouve que ce sont des morceaux que je considère presque que tu pourrais mettre au petit matin, dans une soirée vraiment tournée autour du psychédélisme, et qui sonnerait bien sur un bon sound system. Donc ouais, je trouve que c'est mortel ce qu'elle fait. Ouais. On retrouve toute la tracklist de toute façon dès demain ou peut-être après-demain exceptionnellement. Le podcast aura peut-être un jour de retard, j'ai une grosse journée. avec un petit peu de reggae, on est quand même parti un peu dans les Antilles, il y avait des trucs plus 80. Finalement. Ouais, carrément. J'ai essayé de prendre que voilà, des artistes. Que des filles. Ouais, que des filles. Bah, c'est venu en fait presque naturellement. Je voulais mettre plein de morceaux, plein de vinyles de ma collègue que je pensais. Et au final, plus ça s'est construit au fur et à mesure, plus je trouvais que c'était plus cohérent de mettre une tracklist 100% féminine. Parce que il y a énormément de choses, de choses à mettre en avant, de belles musiques, de morceaux à texte et d'artistes tout aussi engagés et tout aussi sincères avec la musique. Donc voilà. C'était trop chouette, c'était un beau voyage. Avant de présenter le dernier morceau, présentons ce qui va se passer dimanche, puisque tu es l'un des rares DJ français à avoir une date ce week-end. C'est vrai, en plus, et on a vraiment de la chance. On va jouer avec Sophia, Sophia Custer, qui est... Coucou Sophia. Qui est avec nous, qui parle pas du coup français, mais qui parle, parce qu'elle parle anglais. Et mais, on aura la chance de le recevoir dans Boom Bomo. C'est ce que tu me disais. Ouais, on va lui demander ça hors antenne après. Mais on va jouer du coup ce dimanche en plein après-midi dans un cadre idyllique. C'est au manoir de la Châtaigneraie. C'est un manoir qui est à 20 minutes d'ici à Sucé-sur-Erdre et qui du coup donne sur l'Erdre. Et je pense que ça va être parfait pour pouvoir boire des petits cocktails, écouter de la musique et pourquoi pas danser un petit peu vu que ça nous manque beaucoup. En respectant les gestes barrières, bien sûr. Sophia, dimanche au manoir de la Châtaigneraie à Sucé-sur-Erdre. Il y a un dernier morceau. Ouais. Qui est MFA Kera. Donc on l'a mis en photo sur Facebook tout à l'heure, celui-là. C'est la pochette que tu avais dans les mains sur la petite photo qu'on a mis sur les réseaux. C'est une nana qui, je crois, a grandi dans plusieurs pays, en Afrique, au Sénégal, je crois, et qui a fait sa carrière en France et qui a des textes incroyables et une musique entre New Wave, synthé pop. Et c'est un peu un ovni, moi, je trouve. J'adore ce qu'elle fait. Et puis là, ce morceau est un peu engagé. Et donc, j'ai regardé les crédits, gros casting, je connais les musiciens et tout pour certains, mais je connais pas du tout ce morceau ni cet artiste, donc tu me donnes bien l'eau à la bouche, là j'ai bien hâte d'écouter ça. Merci beaucoup Silvio pour cette sélection, c'était trop cool de te recevoir dans Boom Boom. Oh là là, mais trop merci mon Vincent. J'adore te voir et t'écouter mixer, et une fois de plus, Banco, on te retrouve à Safe Place. Je suis pas encore passé boire un verre à Safe Place, Jonas, boire un verre à Safe Place rapidement. Allez, tous les deux. Avec plaisir. S'il vous plaît. Trop cool, et puis dimanche après-midi avec Sophia au manoir de la Châtaigneraie. Bisous Silvio. Ciao. À bientôt. Merci à tous. Ciao les petits loups. Tous les gens qui doivent se lever tôt. Chanson pour ceux qui ne voient pas le bout du rouleau. Qui trim, qui trim, qui trim, qui trim, qui trim pour leur subsistance. Qui prime, qui prime, qui prime, qui prime, qui prime pour tenter la chance. Qui perdent leur vie. Le teint vert de gris, 11 mois de l'année, qui rêve de révolution, qui ont même plus le temps à faire, qui parle de révolution, qui ont peut-être eu peur de la toi et moi, même si tu n'en veux pas. Chanson pour le premier d'entre nous qui voudra. Casser, casser, casser, casser, casser le marché de l'angoisse. sur la rive d'en face. Relever la tête de son nombril, chanter à tue-tête en pleine vie et faire la révolution en commençant par lui-même. Chanson même si tu n'en veux pas. Chanson pour toi et pour moi. Pour tous ceux que ça ne concerne pas. Chanson.